Amen. Demandons au Seigneur qu'il nous donne d'être parfaits en amour, que nous n'aimions pas avec hypocrisie, que notre amour soit vrai, sincère et parfait comme lui veut. Prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Lève-toi donc et salue quelqu'un en lui disant justement « Je t'aime » sans hypocrisie. Vérifiez que vous regardez la personne dans les yeux. Dis à la personne « Je t'aime » sans hypocrisie en le regardant dans les yeux droits. N'esquivez pas, vous suivez. Tu salues la personne, tu le regardes dans les yeux. Tu es sûr? J'attends seulement. Hein? Sans hypocrisie. Tu ne dis pas qu'il exagère. Allez saluer, allez saluer. Vraiment. Vrai, vrai. Amen. Amen. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas qu'ils exagèrent quand ils prêchent. Tu es sûr? Ok. Parle j'entends. Je t'aime. Sans hypocrisie. Je t'aime seulement ou bien c'est sans hypocrisie. Je t'aime sans hypocrisie. Vrai, vrai. Droit ici. Que Dieu te bénisse. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas qu'il exagère, que je dérange. Et va t'aigner maintenant. T'aimes mon frère, sans hypocrisie. Donc tu ne dis pas que je prêche, j'exagère. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Donc même si je prêche, Dieu n'aime pas comment, sans hypocrisie. Grand-mère, regardez le chocolat. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, bienvenue. Je t'aime sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas que le Junior exagère. Il dérange. Tu ne dis pas qu'il dérange. Tu ne dis pas ça. Ça va bien, mais c'est. Ah non, je sais que tu m'aimes, d'accord. Bientôt le rendez-vous. Tu n'as jamais dit dans ton cœur que le gars a exagéré, mais il qu'il faut le soucier. Sans. Je peux demander à papa taille. Papa taille. Ta femme même sans hypocrisie. Non, tu es pas dans son cœur. Tu es doux. Tu t'aimes bien déclarer, c'est bon. Ouais. Sans. Pourquoi vous avez du mal à mettre sans hypocrisie déjà? Parce que c'est sans hypocrisie déjà. Ok. Vraiment, tu m'aimes sans hypocrisie. Attendez, bonne vie. Ma soeur, tu m'aimes sans hypocrisie. La façon qu'elle regarde comme ça, c'est. Elle n'est pas venue me saluer. Je dis que. Ma soeur, je t'aime sans hypocrisie. Encore plus fort, même encore pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin d'un réveil.